Cette semaine, le Wendell Incorporated Show Réanimation sera une édition dite normale, du moins dans ce que réanimation peut comporter de normalité, évidemment. Mais cela ne m'empêchera pas de faire la présentation de deux nouveaux albums et de vous introduire aussi le cousin d'Horace qui est de passage dans ma morgue afin de rendre visite à son vieux pote, ce super beau petit singe. Je ne parle évidemment pas de moi. Par contre, est arrivé depuis quelques jours, ce cousin du nom de Grégor est quelque peu maladroit et voire très dérangeant. En fait, il a actuellement détruit à peu près tout dans mon laboratoire. Mais cela me donnera aussi la chance de remettre à neuf les équipements, puisque j'enverrai la note au ministère de la Faune, à Ottawa. Ah ben, j'y pense. C'est probablement une perte de temps. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque pour lui l'évolution n'existait pas, mis à part celle de la maladie bien sûr, et qu'il croit fortement que la régression tant qu'à elle est tangible et qu'elle se manifeste par le comportement humain. Et qu'au bout du compte, il vous dit, ne vous en faites pas, bientôt tout ira mieux. Et vous le saurez lorsque vous aurez commencé à grimacer, vous gratter et vouloir grimper aux arbres. Priez pour ne pas y survivre. Enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. Cause I, Pendragon, said so. Let's go, Morbid Angel. Of the world and burn us in the Christ.

C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Salut, moi c'est Alex. Tous les mardis à 21h, j'anime Matière Noire. T'aimes le métal progressif, mais t'as pas peur de plonger dans des styles plus obscurs? Cette émission-là est pour toi. Viens me rejoindre, c'est un rendez-vous. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Salut, ici Octoplot et on est très content de vous présenter notre deuxième album, Le Démon Normal. J'aimerais profiter de la tribune ici pour savoir si vous avez retrouvé mon sac à dos que j'ai égaré à l'université il y a 2 ans. Je soupçonne qu'il m'ait été volé et il y avait des souliers à l'intérieur. Alors, ne manquez pas Le Démon Normal à suivre. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 14 novembre, mois des morts, de l'an de disgrâce 2017. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. On vient d'entendre avant cette pause publicitaire un bloc constitué de 3 formations, dont 2 américaines et 1 norvégienne. À l'instant, Blood Red Throne et l'excellente Prozoid Virus, qu'on retrouve sur leur 8e parution et dernière à ce jour, soit Union of Flesh and Machine, paru le 15 juillet 2016 sur Candlelight, et qui, rappelez-vous, avait fait office d'une 6e position dans mon top 10 2016. Voilà, à la semaine prochaine. C'est une blague. Juste avant, de Tampa, Florida, Dayside et Horror in the House of Stone, tiré de Till Death Does... Je reprends. Till Death Do Us Part, le 9e de leur discographie, paru le 28 avril 2008 sur E-Rake, et nous avions ouvert avec Morbid Angel. Morbid Angel, une pièce tirée de leur 2e album, Blessed Are the Sick, paru le 5 juillet 91, sous étiquette E-Rake également. Je parle de Abomination. Et pour amateurs de death metal et principalement de Morbid Angel, dont je suis, eh bien j'ai vachement hâte au 1er décembre prochain, puisque le groupe sortira leur 10e album studio, qui portera le nom de Kingdom Disdained. On sait que Trias Actot, c'est actuellement... actuellement, depuis un certain nombre de mois, c'est a recruté de nouveau Steve Tucker au niveau de la basse et du vocal. Et il s'est entouré aussi de 2 autres jeunes musiciens, soit le batteur Scott Fowler ainsi que le guitariste Dan Vadimvon. Donc, j'ai vraiment hâte d'entendre ce nouvel album de Morbid Angel, qui, soit dit en passant, en 35... pratiquement 35 ans d'existence, ce n'est que le 10e album studio. Je parle, évidemment, là, je fais abstraction des hippies, des splits, albums live, ainsi de suite, et compilations. Mais album studio original, ce ne sera que le 10e. Donc... sommes-nous en droit de nous poser la question suivante? Est-ce que Morbid Angel ne font que tourner ou est-ce que Morbid Angel compose à l'occasion? Bref, ça va tout de même être probablement fort intéressant. Je vous l'ai dit en présentation, Horace a vraiment insisté pour que qu'il puisse vous présenter son cousin qui... En fait, moi, je connaissais même pas l'existence de ce cousin-là. ben, aller jusqu'à la semaine dernière, quand il est arrivé dans ma morgue, bien sûr. Et, ben, écoutez, faut ce qu'il faut. Donc, Horace, si tu veux le présenter, vas-y. Ouais, c'est long. Eh bien, OK, le voici, ce fameux cousin qui, semble-t-il, porte le nom de Grégoire. OK. T'sais, Horace, ça a été long un peu avant que tu le présentes. C'est quoi, Grégoire, c'est pas très long à dire, il me semble. Là, fâche-toi pas, c'est correct. Bon, OK, il dit que dans le langage des singes, les syllabes sont plus longues. Je veux bien le croire. Mais j'ai hâte qu'il s'en aille du laboratoire parce qu'il est vraiment gros, puant et destructeur. Ce soir, réanimation, deux présentations de nouveautés, soit dans quelques instants. En fait, non, je devrais dire un peu plus tard dans l'émission, formation Swedish Witchery avec leur septième album, I Am Legion. Mais tout de suite, une formation qui vient de Suède également. Formation qui... j'ai découvert, dois-je dire, avec cet album, soit leur troisième, Decameron. Je parle de Throne of Heresy, formation qui vient de Suède, comme je l'ai dit, mais plus précisément de Linköping, quelque chose comme ça. Bon, encore là, ouais. Excusez mon suédois, là, je le pratique pas très souvent. Formation Death Metal, qui existe depuis 2009. Formation que j'ai découvert, comme je l'ai dit, avec cet album. Laquelle j'ai accordé une note de 7,5 sur 10. C'est pas nécessairement l'album du siècle, mais je trouve qu'il se dégage une ambiance assez agréable, pour ainsi dire. Une ambiance agréable avec du death metal, oui. Je pense qu'on y retrouve aussi. Ben, pas je pense, c'est mon opinion. Je peux me tromper, rarement, dois-je dire. On y retrouve une certaine influence de black metal, mais aussi quelque peu une certaine portion mélodique qu'on pourrait réattribuer au Viking metal. Bon, quand je dis Viking metal, on s'entend, là, c'est assez subtil. Donc, mon ami, qui est une grande amateur de Hammond & Amarth, peut-être que tu devrais pas t'énerver tout de suite parce que c'est peut-être pas ce que tu t'attends, là. Mais quoi qu'il en soit, je dois dire que cette portion-là est peut-être l'aspect qui m'a plu le moins dans l'album, dans le groupe. Mais il reste que j'ai trouvé ça assez intéressant et suffisamment pour vous en proposer trois pièces de cet album, Decameron, The Throne of Heresy, qui est paru le 3 novembre dernier, sous étiquette The Signed Record. Donc, à l'instant, on va entendre ce qui m'apparaît être la meilleure pièce de l'album, Pax Mogolica, qui va être suivi de Siege of Kaffa, et nous allons conclure avec la pièce titre, Decameron, Throne of Heresy. Let's go! We ride across the other stairs. Eyes on a falling road. Blood on the blood redemption. Nations, something of the calm. To the root of the cause. No great empire. With the riders of the eye. Come, let's see, let's go, let's see.

Throne of Heresy, troisième parution au studio de la formation suédoise avec cet album Decameron qui est paru le 3 novembre dernier sur The Side Record. On a entendu la pièce-titre de Cameron, précédée de Siege of Kaffa et l'excellente Pax Mogolica en ouverture de bloc. Et formation qui existe depuis 2009, que j'ai découvert avec cet album. Premier album étant The Stench of the Sight, paru en 2012, suivi d'un mini-album, un EP en 2013, Realms of the Desecration, ainsi que Antioch, qui est paru en 2016. Et définitivement, je vais me faire un devoir de découvrir ce qu'ils ont fait par le passé. Simplement parce que en réécoutant ça, là, je passerais bien ma note de 7,5 à 8 facilement. Je vais peut-être la corriger ce soir d'ailleurs. J'ai écouté évidemment l'album lorsque j'ai pu me le procurer, disponible en CD et vinyle aussi d'ailleurs. Et avec ce recul de quelques jours, avec la fin de la programmation de l'émission, je le vois sous un autre oreille. Mais bref, non, c'est vraiment très bien Throne of Heresy. Et à ce train-là, ben, ça sera peut-être pas un top 10 que je vais faire pour 2017, mais peut-être un top 20, je sais pas. Bref, il va y avoir une mention, c'est certain. Il est 19h48. On va poursuivre musicalement cette fois-ci avec un petit bloc de balades. Oui, c'est la première, c'est une première pour réanimation. Des balades, trois balades consécutives que j'ai retenues parmi les meilleures des groupes métal, et ça depuis le tout début. Vous allez pouvoir vous en faire une idée à l'instant. Alive. l'animation. Vidéo du métal, c'est fou. Oh! êtes à C'est fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Besoin de parler, de vous confier, de partager. Telle écoute Trois-Rivières. Du lundi au jeudi de 15 à 22h. Vendredi et samedi de 18 à 22h. Et dimanche de 18 à 21h. Parce que la vie est pleine d'émotions. Telle écoute Trois-Rivières. 819-376-4242. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Beaudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis, aujourd'hui. Je pensais que quelques verres m'aideraient à surmonter ma gêne. Mais j'étais incapable de me contrôler. J'ai fini par comprendre qu'à force de me saouler, je me retrouvais encore plus seule. Ma meilleure amie m'a suggéré d'assister à une réunion. Quand je suis entrée... La pression au travail était telle que j'ai commencé à boire pour passer au travers. Je n'aurais jamais pensé que l'alcool me ferait perdre mon emploi. À ma première réunion des AA, j'ai compris que je n'étais pas seule. J'ai eu la difficulté à admettre que j'avais un problème. Chez les AA, j'ai trouvé une solution et de l'espoir. Vous êtes à Cibou. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à Cibou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Heure 2. Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show, et ce jusqu'à 21h. Formation Sinister, formation hollandaise et Black Slithering Mass, qu'on retrouve sur leur dernière parution, la 13e, Syncretism, qui est paru le 24 février 2017 sur Massacre Records. Formation que j'affectionne pas mal dans le genre. Juste avant, Legion of the Damned. Formation qui est également de Hollande, Pays-Bas. Qui n'a rien fait paraître depuis cet album qui s'appelle Ravenous Plague. Le 6e paru le 3 janvier 2014. Je suppose que c'est à venir. La pièce est en Black Baron. Et nous avons ouvert avec The Fort Lauderdale. Florida, USA. Malevolent Creation. Dans le coin droit, non. La pièce est en Soul Razor. Soul Razor, c'est une excellente pièce qu'on retrouve sur leur dernière parution également, soit Dead Man's Path, qui est le 12e, paru le 2 octobre 2015. Bon, OK, je sais que je vous avais parlé que c'était pour être des balades. Eh bien, je vais tenir parole. Quelle horreur! Quelle horreur! Ça m'horripile au plus haut point. Ben, j'aurais tenu parole, c'était effectivement une balade, mais vraiment dans le très poche. C'était Scorpions. Ben non, évidemment, le bloc qu'on vient de diffuser n'était pas des balades pour le vrai. Ben, si vous considérez que c'est des balades, vous avez un certain problème. Je vous parle avant de poursuivre avec la deuxième nouveauté de la semaine. Je vous parle de cinéma. En fait, je vais vous parler probablement plus de séries télévisées qu'autre chose. Ce qui sera en salle ce vendredi, par contre, c'est Justice League, ce 17 novembre, un film de DC Comics, qui met des personnages de DC Comics, la Ligue des Justiciers avec Batman, Wonder Woman, Flash et je ne sais plus trop qui. Personnellement, ça m'attire plus ou moins, mais ça pourrait être plaisant quand même. Donc, c'est ce vendredi 17 novembre que ça devient en salle. Actuellement, ce qui est toujours en salle, c'est Murder on the Orient Express, un remake, un film de mystère à connotation criminelle, qui est un film de Kenneth Branagh, qui le met en vedette aussi, ainsi que Johnny Depp et Josh Gad. C'est inspiré du roman d'Agatha Christie. Ça, je vais être très curieux de voir ça, parce que c'est le genre de film qui devrait me plaire. Ben, évidemment, j'ai fait la conclusion de la série Stranger Things, deuxième saison, la semaine dernière, et finalement, ben, j'ai beaucoup aimé. C'était très, très, très distrayant. C'est rafraîchissant de voir des séries qui ne font pas office d'être sorti du même moule, si on veut. Donc, c'est pas le cas du tout de Stranger Things. C'est vraiment très particulier. Mais que les enfants, qui sont les acteurs principaux, sont laids dans cette série, par contre. Mais c'est une constatation que je suis certain de pas l'avoir... Je suis certain de pas être le seul à l'avoir fait. Mais c'est vraiment excellent. Hein? C'est vraiment très, très, très bien, Stranger Things... Autant la première que la deuxième. En fait, je pense que la deuxième est peut-être supérieure et est certainement plus intense, plus dramatique et peut-être même voire un peu plus violente. En tout cas, c'est moins familial. Donc, c'est à voir pour les amateurs de... Ben, c'est de l'horreur, thriller... fort correct. À un épisode près, c'est-à-dire j'en ai 10 d'écouter la 7e saison d'American Horror Story Cult, qui met en vedette Sarah Paulson, qui elle m'énerve. Mais en tout cas, quand elle pleure, surtout, elle est épouvantable. Si vous l'écoutez en version originale, vous allez voir que sa voix, quand elle chiale et elle pleure, là, vous avez envie de défoncer la télé. Ainsi que Evan Peters, qui est vraiment excellent. C'est un acteur très, très polyvalent. Ainsi que Cheyenne Jackson. C'est une série de Ryan Murphy et Brad Falchuk. C'est une série d'horreur, bien entendu. Et cette 7e saison de American Horror Story, qui porte le nom de Cult, elle est très intense. En fait, c'est probablement la plus violente, la plus gore, la plus tordue qu'ils aient fait jusqu'à présent. Mais faut savoir qu'il faudrait minimalement... je dis subir, c'est pas vrai, ça serait très exagéré de dire ça. Mais être patient avec les 4 premiers épisodes qui semblent vouloir mener à pas grand-chose, qui sont relativement lents, dont on doute même par moment si on va décrocher de la saison, oui. Mais finalement, c'est une mise en place, parce que plus on avance dans la série, plus on se rend compte que Falchuk et Murphy ont travaillé un peu à la Tarantino dans cette histoire-là. Donc, on vient remettre en place des éléments qu'on nous glisse sous le nez comme ça, sans savoir vraiment pourquoi on le fait, et on nous les remet en place par la suite chronologiquement. Ça prend tout son sens et c'est vraiment très bien. Et c'est très éclaté comme série, je dois dire, comme saison particulièrement. Donc American Horror Story saison 7 Cult, moi je la conseille énormément, mais ne vous formalisez pas avec les 4 premiers épisodes. Passez par-dessus ça, ils sont pas mauvais là, pas du tout, mais ils sont loin d'être à la hauteur de... En fait, ils mettent la table pour la balance de la série, de la saison, qui est vraiment... Ben voilà, c'est ça. La semaine prochaine, il y a des fortes chances que je vous parle de Amityville, le nouveau là, donc je me rappelle plus, je pense que ça se passe avant ou quelque chose du genre. C'est vraiment très poche, mais anyway, je vais sûrement vous en parler de toute manière. Je vous parle de la deuxième nouveauté de la semaine. J'aime ça dire ça, moi, nouveauté de la semaine. Bon, il s'agit de Witchery, formation qui vient également de Suède, une formation de Blackened Trash Speed Metal. Si je suis pas sûr, là, mais bon. Je vous parle de leur 7e album, I Am Legion, qui est paru le 10 novembre, mon vendredi dernier, sous Century Media, quand même pas n'importe quoi comme étiquette, là. 10 albums pour un groupe qui existe depuis 1997. Ben, c'est quand même mieux que Morbid Angel, là. Ici, moi, je dois vous dire que j'ai des réserves. Ouais, j'ai certaines réserves au niveau de l'album de Witchery, que j'attendais quand même avec, je dirais, pas mal d'attente, compte tenu du fait que j'avais aimé beaucoup In His Infernal Majesty Service, le précédent de 2016. Witchkrieg aussi était très bon. Bref, c'est ce nouvel album qui porte le nom de I Am Legion, qui soit dit en passant disponible en CD et en LP ou en vinyle si vous préférez, il me déplaît pas, mais il m'a vraiment pas emballé en même temps. En fait, je pense qu'il me laisse indifférent quelque part. Je l'ai trouvé plus fade, beaucoup plus fade. Il n'y a pas vraiment, je trouve, de pièces qui ressortent. Il n'y a pas de « wow » dans cet album-là. J'ai donné une note de 5 sur 10 qui, dans mon cas, est pas généralement bon signe. Je crois pas la réviser énormément. J'ai réécouté à quelques reprises et puis... Comme j'ai dit, sans vouloir dire que cet album-là est mauvais, ça me fait pas grand-chose. Mais je vais vous laisser la chance de pouvoir vous en faire votre propre opinion, parce que je vous ai préparé 3 pièces qui m'apparaissent être peut-être celles qui sont les plus intéressantes, selon moi. Witchery, 3 pièces tirées d'I Am Legion. Vous êtes sur Réanimation. Let's go. Lying in their wake, a past in this void. side by hands of two. C'est fou! Vous êtes assez fou. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca 89.1. Les Pommerades C'est Fou, c'est la meilleure musique que C'est Fou a à vous offrir. Les 40 meilleures pièces francophones et anglophones de la semaine. Les top albums canadiens et loud et les chroniques musicales comme C'était Fou, Palmarès in Peace et Huile de Palmarès. Les Pommerades C'est Fou, du lundi au jeudi de midi à 13h, édition week-end les samedis dès midi. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis. Sur le campus, ce qui se passe à Trois-Rivières, nos journalistes vous le partagent avec passion. Zone Campus, le journal étudiant qui vous tient au courant. Retrouvez-le dans chaque pavillon de l'université ainsi que plusieurs commerces du centre-ville. C'est fou, 89.1 FM. FM. h 26, vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM pour encore 34 minutes ou presque avant la pause publicitaire. On a entendu trois extraits de cette nouvelle parution des Suédois de Witchery, soit I Am Legion, le 7e paru le 10 novembre dernier, c'est vendredi dernier, ça sous étiquette Century Media. Les pièces étant The Alchemist, précédé de Off Blackened Wings, et en ouverture, l'introduction Legion et True North. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un album qui m'a laissé légèrement, je dirais pas froid, mais sans trop d'émotion. J'ai pas trouvé ça mauvais, mais j'ai pas trouvé ça non plus très emballant. Qui sait? Peut-être qu'au fil des prochaines écoutes, de nombreuses prochaines écoutes, j'y trouverai peut-être de nouvelles qualités. C'est à voir, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même du métal de qualité. C'est juste qu'il m'a pas accroché. Ça finit là. Et je vous rappelle que l'an dernier, son prédécesseur, In His Infernal Majesty's Service, avait fait office de 7e position dans mon top 10. Donc, celui-ci, cette année, jusqu'à date, il sera pas même pas dans les mentions. Mais quoi qu'il en soit, c'était cela. On va poursuivre musicalement avec un bloc qui va nous faire travailler, non. Ben oui, peut-être. Certains neurones, effectivement, oui. Qui va nous faire voyager entre le djent, le progressive groove metal et le death avant-garde, soit avec Meshuga, Gojira et Gorguts. Let's go. Fire blows me in.

Gargots de Montréal et la pièce titre de sa cinquième album Colored Sands, paru le 30 août 2013 au Season of Mist. Ceux d'entre vous qui ne comprennent pas Gargots, je peux les justement les comprendre parce que moi ça m'a pris énormément de temps à découvrir et à m'ouvrir à cette formation. Mais lorsque c'est fait, on peut considérer que ce groupe-là est absolument extraordinaire et de les voir performer live, les encore plus. Juste avant, de France, Gojira et la pièce In the Wilderness qui est tirée de leur troisième album From Mars to Sirius qui est paru le 27 septembre 2005 sur Listenable. Et nous avons ouvert avec de Suède, Meshuga et Nebulus tiré de Nothing. Paru le 18 juillet 2002 sur Nuclear Blast. Trois formations que ma blonde et moi aimons beaucoup écouter, apprécions aussi beaucoup, donc vous pouvez voir un peu quel type de goût on a, là, on est un peu éclaté. Je vous rappelle que ce vendredi, ici même à CIFU 89.1 FM, dès 11h, c'est Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Cette semaine, Rockmaster et moi vous présenterons le traditionnel 3 pour 1. C'est ça? Je pense que oui. Il me semble que oui. Ben oui, tout à fait. Donc, c'est un rendez-vous pour les vrais, les véritables et les vrais amateurs de vrai rock de 11h à 17h, rock classique. Aussi, pour les amateurs de métal, autre que réanimation. Ben là, je ne doute pas que vous êtes amateur de réanimation, c'est indéniable. Mais si vous voulez explorer d'autres avenues, bien entendu, ben je vous conseille de le faire avec notre ami DJ Tower of Death, sur les, avec son sa subversive émission Subversion, tous les vendredis dès 18h30 sur Underground Québec. Et on réécoute à partir des podcasts sur SoundCloud, mission fort intéressante. Ainsi que le blog de notre ami Sinistros, son blog hurlement.com, et lire ses chroniques qui sont musicales principalement, et assez larges, je dois dire, et aussi ses appréciations de films et de séries télévisées. Voilà, hurlement.com. On se laisse sur une dernière pièce avant le début en entrée. Non, je voulais dire avant l'entrée en matière de matière noire, c'est encore mieux, voilà, à 21h. Avec une dernière pièce, comme je le disais, des Romains de Hour of Penance. Excellente formation de death metal, l'une de mes préférées. Une pièce tirée de leur album Regicide qui est paru le 13 mai 2014, soit Resurgence of the Empire. Sur ce, ben écoutez, ben soyez des nôtres mardi prochain. Oui, parce que j'allais oublier, ben oui, qu'est-ce que je raconte là, moi, avec mes... La semaine prochaine, je vais vous entretenir d'une formation death metal de Finlande qui porte le nom de Desolate Shrines. Formation assez particulière, surtout au niveau de l'enregistrement, je dois dire. Je vous en parlerai un peu plus en détail mardi prochain, mais ben... J'étais pas sûr, mais finalement, oui, je vais le faire. L'album étant de Deliverance from the Godless. Non, qu'est-ce que je raconte là, moi? Je sais plus ce que je raconte. C'est probablement pas grand-chose. Anyway, c'est pas grave. Ainsi que le nouvel album apparaît ce vendredi de Electric Wizard, formation britannique, Somerset, qui donne dans un Doomstoner Metal, l'album étant Wizard Bloody Wizard, connotation de Black Sabbath, bien entendu. J'ai pu entendre quelques extraits et je dois dire que ça m'a passablement plu jusqu'à présent, donc on va faire une exploration de ça aussi ensemble. Bon, comme je le disais, c'est le temps de cesser avec Hour of Penance et Resurgence of the Empire. Soyez présents la semaine prochaine, allez tous vous faire foutre allègrement et see you. Let's go! Thank you. Let's